Les nuits de France Culture, vous êtes à l'écoute de la première de deux nuits que nous consacrons à l'histoire des féminismes, alors que le féminisme connaît depuis quelques années une forme de renouveau. Cette nuit, nous nous intéressons à quelques grandes pionnières, des femmes qui depuis plus de deux siècles maintenant ont œuvré, lutté en France pour l'égalité entre les hommes et les femmes et pour la liberté de ces dernières. Dans la première partie de la nuit, nous avons ainsi entendu une émission consacrée au rôle des femmes dans la Révolution française. C'était pour la Fabrique de l'Histoire en 2013. Puis une conférence de Xavier Gauthier sur Louise Michel, retransmise dans l'Éloge du Savoir pour la première fois en 2012. Un documentaire signé Céline Duchesnay, consacré à Madeleine Pelletier pour l'émission Une vie, une œuvre en 2017. Dans un instant, nous poursuivrons cette traversée avec un entretien que Djamila Debbèche avait accordé à Taos Amrouche en 1962. Djamila Debbèche, personnalité un peu oubliée de l'histoire algérienne, écrivain, femme de radio, elle œuvra en Algérie à la promotion des femmes. Et puis trois volets d'une série des chemins de la connaissance consacrée en 1994 à quatre figures emblématiques des combats pour les droits des femmes au 19e siècle. J'ai nommé Flora Tristan, Jeanne de Rouyn, Désirée Gay et Eugénie Niboyet. Après quoi l'on écoutera Louise Weiss évoquer les souvenirs de ses combats pour l'obtention du droit de vote des femmes. C'était au micro de Patrice Galbeau en 1981. Et enfin, pour conclure la nuit, on écoutera Simone de Beauvoir venue présenter le deuxième sexe au moment de sa parution en 1949. C'était dans l'émission Actualité du livre diffusée sur la chaîne nationale. Mais pour l'heure, j'ai le grand plaisir d'accueillir Martial Poirson et Laure Godineau. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Et merci d'être avec nous par téléphone. Vous avez tous les deux participé à la rédaction d'un ouvrage intitulé « Combattante, une histoire de la violence féminine en Occident » paru au Seuil il y a quelques mois. Ouvrage que vous avez dirigé, Martial Poirson, et auquel vous avez contribué, Laure Godineau. De même que 15 autres contributeurs et contributrices, d'ailleurs, essentiellement. Cet ouvrage se propose de penser la violence féminine sur le temps long de l'histoire occidentale depuis l'Antiquité et d'interroger la participation volontaire des femmes au combat de leur temps, amazones, tricoteuses, pétroleuses, communardes, vitrioleuses, suffragettes, autant de figures de femmes combattantes dont chacun des articles du livre analyse la façon dont elles ont été représentées, décriées, mystifiées parfois, souvent. Martial Poirson, pour commencer, peut-être pouvez-vous nous dire tout simplement comment est né le projet de ce livre dont vous êtes, je crois, à l'initiative. Pourquoi avoir choisi de réunir autour de vous ce collectif d'historiens et d'historiennes pour retracer cette longue histoire de la violence féminine en Occident? Le projet est né en fait à l'origine d'une exposition sur qui s'appelait Les Amazones de la Révolution et qui portait sur quelques grandes figures de la lutte armée pour le droit des femmes sous la Révolution française et qui nous avait poussé à nous interroger avec quelques partenaires de ce projet sur cette question de l'impensé de la violence des femmes en Occident. Un pensée qui, selon l'intuition qu'on avait à l'époque et qu'on a cherché à vérifier par le livre, constituait une sorte d'angle mort dans l'histoire des femmes et des féminismes, puisque elle relevait d'une vision offensive, parfois même qualifiée de terroriste à certaines époques. Hein. On a qualifié notamment les suffragettes du début du XXe siècle de terroristes, parce qu'effectivement elles recouraient à une action directe potentiellement violente, et puis plus récemment encore, donc, des discours qui tendaient à discréditer l'action des femmes dans l'espace public. Et donc, j'ai souhaité réunir une équipe d'historiennes, en grande partie, en fait, hein, majoritairement des historiennes, de toutes les époques possibles depuis l'Antiquité gréco-romaine, pour essayer de poser cette question du rapport à la violence, en espérant identifier des figures qui étaient des figures donc de combattantes, qui étaient des figures de femmes qui se sont mobilisées pour faire valoir des droits qui sont pas d'ailleurs forcément les droits des femmes, hein, principalement, ça c'est arrivé plutôt tardivement dans le processus, mais une existence à l'intérieur de l'espace public qui, selon nous, au sein de l'équipe, et je crois que ça faisait un relatif consensus, se vérifiait jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que le temps long de l'histoire nous permettait aussi d'identifier ce qu'on pourrait appeler le mythe de l'innocence féminine, qui est encore quelque chose qui travaille le discours aujourd'hui, en fait, hein, comme si reconnaître à ces femmes la possibilité d'une action dans l'espace public revenait à nier d'autres types de représentations imaginaires. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ce dossier, ce fil rouge, permettait de développer une autre histoire des femmes, qui évidemment ne se substitue pas à l'histoire de la violence qu'elles ont subie, et notamment de ce statut de victime qu'elles ont eu et qu'elles ont encore aujourd'hui, ce que montre très bien, de façon très importante, le mouvement MeToo notamment. Dénoncer la violence sexiste et sexuelle imposée aux femmes n'empêche pas de penser le recours à cette violence, donc une violence qui ne serait plus subie, mais revendiquée en tant que telle et considérée comme un moteur politique. Et un des paradoxes que révèle le livre, c'est que finalement, c'est quasiment toujours par cette action violente concertée de groupes de femmes, hein, qui sont pas forcément identifiées comme des grandes figures, mais qui sont justement des collectifs, que la plupart des grands droits sociaux, civiques, politiques, juridiques ont pu être obtenus, en fait. Hein. Et vous donc, oui. La conclusion. Pardon, je vous coupe. Sur le point, vous dites l'impensé de la violence à travers l'histoire. Vous écrivez dans l'introduction de cet ouvrage que les résistances à penser cette violence féminine, donc la violence dont il est question, c'est bien la violence lorsque les femmes s'en emparent, vous l'avez dit. Ces résistances, elles émanent d'abord d'un discours masculiniste ou antiféministe qui cherche à perpétuer une vision traditionnelle des assignations de genre, avec l'idée que la violence, l'usage des armes serait naturellement l'apanage des hommes. Mais vous précisez aussi, et c'est plus étonnant, que ces résistances, elles proviennent aussi également d'un discours féministe. Vous dites qu'il s'agit d'un sujet refoulé du féminisme. En quel sens ? Oui, alors ce qui est très troublant, c'est qu'effectivement ce discours masculiniste différentialiste, hein, la femme associée à la douceur, aux fonctions maternelles et maternantes, et puis l'homme associé à une forme de virilité guerrière, qui est quand même vraiment la façon dont s'est construit l'imaginaire des genres dans notre culture, a été dans une large mesure intériorisé par ces femmes, par un certain nombre de femmes, qui sont pas justement les femmes du livre, mais une majorité de femmes, comme une sorte d'horizon impossible à dépasser, comme une sorte de chape de plomb, et le destin souvent assez tragique de ces combattantes, hein, dès lors que justement elles relèvent la tête et qu'elles revendiquent ce qu'on pourrait appeler une sorte d'usurpation des stéréotypes associés à la masculinité, engageait là encore à une très grande prudence. Donc les femmes dont on parle dans le livre ont dû à la fois déconstruire le discours qui leur était imposé et déconstruire d'une certaine façon les représentations mentales qu'elles avaient intériorisées et qui avaient participé à la perpétuation de ce qu'on pourrait appeler des stéréotypes de genre. Vous n'avez pas choisi d'analyser seulement des usages de la violence qui présentent une forme de noblesse ou participent du moins dans la lecture rétrospective qu'on peut en faire à la longue histoire de l'émancipation des femmes. Par exemple, figure aussi dans cet ouvrage un article d'Elisa Mailander sur les surveillantes SS des camps de concentration nazis. Un autre de Jenny Raflick porte sur les femmes dans les groupes terroristes de nos jours et en particulier dans différents groupes qui se revendiquent du djihad islamique. Pourquoi avoir choisi d'inclure aussi dans cette étude ces formes de combat-là qui sont évidemment moins glorieux que d'autres? Alors il y a deux raisons à ça. La première, c'est que le travail de l'historien est un travail qui doit, autant que faire se peut, revendiquer une certaine neutralité dans les valeurs. Donc on voulait évidemment pas faire une sorte de panthéon héroïsant de ces figures offensives. Nous souhaitons n'exclure aucune catégorie de femmes de cette enquête, y compris effectivement celles que dont les causes peuvent être considérées comme injustifiables. La deuxième raison, c'est que justement ces figures doublement réprouvées, en fait, hein, réprouvées en leur temps et réprouvées aussi aujourd'hui selon les valeurs, l'idéal républicain qui est le nôtre, permettent de voir que de façon très très nette, en fait, la façon dont le discours officiel est toujours un discours de déresponsabilisation. Hein, qu'est-ce qu'on entend sur la djihadiste typiquement? C'est que la djihadiste est une femme qui est agie. Elle n'est pas motrice de son action. Elle est, enfin, c'est ce que montre en tout cas l'article. Hein, c'est que toute la façon dont ces actions terroristes sont médiatisées tend à leur dénier le statut de sujet. Alors, à plusieurs titres, hein, d'abord par une sorte de préjugé raciste qui consisterait à dire que la femme islamique est forcément soumise, hein, évidemment, un préjugé occidental assez ancré, y compris encore aujourd'hui dans le discours. Et puis, la deuxième raison, c'est que c'est une action tellement monstrueuse que, justement, le mythe de l'innocence féminine, la douceur féminine, le beau sexe ne peut pas s'adonner à une action qui est condamnable et dans ses moyens, humain et dans sa finalité. Hein, donc il nous a semblé que ces chapitres, qui sont évidemment des chapitres assez problématiques dans le livre, présentaient d'une façon très, très nette cette récupération systématique par le discours politico-médiatique de ces figures et de leurs actions comme des actions qui auraient été téléguidées, télécommandées, etc. Et puis une troisième raison peut-être est liée au fait que ces femmes sont dans des milieux qui sont des milieux hyper violents en fait, et où notamment il y a une violence masculine qui est omniprésente et qui est exercée à leur encontre. Donc que ce soit la gardienne de camp SS ou la djihadiste est une figure intéressante puisqu'elle propose une violence qui est une violence réactionnelle, quasiment de survie en fait, et qui passe par une forme de surenchère. Autrement dit, elles doivent adopter les codes guerriers dont elles sont victimes pour pouvoir d'une certaine façon renchérir sur une situation qui les met directement en danger. L'idéologie nazie étant une idéologie clairement hostile aux femmes, et donc devenir une femme dans une situation de responsabilité dans ces circonstances extrêmes nous paraissait un cas intéressant à étudier pour l'historienne. Écoutez, nous voulons que le roi quitte Versailles et que sa cour infâme. Nous voulons du blé, du pain et des droits. Nous voulons que le roi quitte Versailles, à Paris, dans nos murs. La liberté nous donnera du pain et des ailes. Nous voulons que le roi quitte Versailles et sa cour infâme. Nous voulons que le roi quitte Versailles et sa cour infâme. Hier piétiner la cocarde, demain la mitraille. Nous allons à Versailles chercher notre roi. Nous allons à Versailles chercher notre roi. Nous voulons du blé, du pain, du pain et des droits. Un extrait du film de Pierre Scheuler, Un peuple et son roi, sorti sur les écrans en 2018 et qui retraçait l'histoire de la Révolution française entre la prise de la Bastille et la décapitation de Louis XVI. Dans la scène qu'on entendait à l'instant, ce sont les femmes des Halles, les femmes des faubourgs, menées par la fruitière Louise Reine Audu, dite Reine Audu, interprétée dans le film par Céline Salette, qui marchait à Versailles au début du mois d'octobre 1789. Pour réclamer, on l'entendait, du blé, du pain. Martial Poirson, dans cette histoire de la violence féminine en Occident, vous consacrez avec Arlette Farge un article aux stratégies de résistance, de défense et d'action des femmes de milieux populaires au XVIIIe siècle. Article dans lequel vous revenez sur cet événement qui constitue, dites-vous, l'une des plus grandes victoires politiques et symboliques des premiers temps de la Révolution et dont les femmes sont les actrices principales. Absolument, la marche des 5 et 6 octobre 1789 est le moment où les femmes, donc dirigées par effectivement ces dames de la Halle qu'on appelait aussi les poissardes ou les haranguères, qui en fait sont des femmes d'influence pendant toute la durée du XVIIIe siècle, qui sont régulièrement reçues par le roi, auxquelles on donne audience, qui sont également des figures publiques par leur position stratégique sur les marchés, hein, arrivent à Versailles et obtiennent du roi la signature de la Déclaration des droits de l'homme et le retour à Paris en fait, hein. Donc c'est une victoire politique presque sans effusion de sang. Il y a deux gardes à la porte du roi qui sont décapités et ça suffit d'ailleurs ensuite à toute la propagande contre-révolutionnaire et en partie d'ailleurs également révolutionnaire à expliquer que ces femmes sont justement dans une forme de violence exacerbée et excessive. En fait, il y a très peu de violence dans ces journées d'octobre et un symbole politique très fort qu'on retrouve jusqu'à nos jours puisque quand le président Donald Trump est élu aux États-Unis, la réaction de la société civile, c'est d'organiser de nouveau une grande marche, alors qu'il y a à la fois un hommage aux marches des suffragettes, mais qui elle-même se réclame de cette marche des Versaillaises, comme on dit, enfin, qui est d'ailleurs un abus de langage, puisque c'est les femmes qui viennent de Paris à Versailles. Et ce que je trouve intéressant dans le film de Scheuler, c'est qu'il rend précisément justice à cette dimension collective de la mobilisation, à une mobilisation qui n'est pas réduite, comme dans l'histoire traditionnelle telle qu'on la lit dans les manuels, à des grandes figures exceptionnelles. Parce qu'évidemment, une des grandes stratégies d'invisibilisation de ces femmes à travers l'histoire, c'est de les réduire à quelques figures idéales typiques, quelques figures considérées comme des figures exceptionnelles, ce qui est une façon finalement de discréditer la dimension collective significative de leur mouvement. Et je trouve que le film de Scholler rend très bien justice à la fois dans le cadrage, dans la narration, qui est une narration très lente, où on échappe à tous les épisodes emblématiques habituels du film glorifiant sur la Révolution française, et où on a une façon de filmer comme ça à ras de l'humain dans des larges plans sur les collectifs, tout en étant extrêmement documenté, puisque beaucoup des images du film reprennent en fait des archives et des estampes de l'époque. Il y a énormément de représentations de cette marche des femmes sur Versailles qu'on retrouve presque en citation visuelle dans le film. Donc il y a à la fois une grande justesse historique à laquelle peut-être il n'a pas été vraiment rendu justice au moment de la réception de ce film, et en même temps vraiment une autre vision de filmer l'histoire par les humbles, d'une certaine façon, par ces anonymes qui souhaitaient rester anonymes et qui, malgré tout, ont conquis une dignité politique très importante, même si en fait le contre-récit très rapidement a fait passer ces dames de la halle, puis ces tricoteuses, donc les tricoteuses, les citoyennes révolutionnaires, pour des lécheuses de guillotine, selon l'expression qu'on retrouve même chez Chateaubriand, donc des femmes assoiffées de sang, qu'on rendait responsables d'une sorte d'exhortation du peuple à la violence insurrectionnelle. Michel Bernard qui interprète La danse des bombes, un poème de Louise Michel qu'elle a mis en musique, poème écrit en avril 1871 pendant la Commune de Paris, dont on célèbre cette année le 150e anniversaire et dont nous allons parler avec vous, Laure Godineau, dans l'émission qu'on a pu entendre juste avant le commencement de cet entretien, une conférence prononcée par Xavier Gauthier en 2012 à la BNF et consacrée à Louise Michel. Xavier Gauthier soulignait à quel point Louise Michel a fait l'objet d'un culte, à quel point elle a été idéalisée dès son temps. Dans l'article que vous signez dans cette histoire de la violence féminine en Occident, article consacré à la figure de la pétroleuse sous la Commune de Paris et plus généralement à l'imaginaire associé à l'usage de la violence par les femmes pendant la Commune, vous soulignez que toutes ces représentations qui font de Louise Michel une légende de la Révolution contribuent à un double processus. Certes, dire la participation des femmes à la Commune et à ses luttes armées, notamment, mais aussi paradoxalement, ou de manière peut-être plus regrettable, à effacer par l'héroïsation toutes les autres femmes de 1871 restées anonymes. C'est un peu le même phénomène finalement que ce que décrivait Martial Poirson tout à l'heure à propos des figures révolutionnaires de 1789. Oui, tout à fait. En fait, Louise Michel apparaît comme une figure exceptionnelle. Et elle est une véritable icône. Icône d'ailleurs à la fois de la commune, mais en même temps des luttes en général, de la révolution, des luttes politiques et sociales, et parfois même une icône féministe. Et par ce caractère de figure exceptionnelle, finalement, elle en arrive, malgré elle, si je puis dire, à invisibiliser toutes les autres femmes qui ont participé à la Commune, qu'elles soient d'ailleurs militantes ou anonymes. On a vraiment ce processus qui est à la fois le fait que Louise Michel représente la participation de ces femmes à la Commune et qu'en même temps, elle les rend en partie invisibles. Et justement, alors de quelle nature, de quelle dimension a été la participation des femmes aux événements de la Commune de Paris en général entre le déclenchement de l'insurrection le 18 mars et la semaine sanglante en mai 1871, si c'est possible de faire une sorte de tableau général? Alors on ne sait pas évidemment très bien combien de femmes ont participé à la Commune, on ne sait même pas d'ailleurs combien d'hommes ont participé à la Commune, et encore moins pour les femmes si je puis dire. On ne peut pas se tabler sur le nombre d'arrestations, puisqu'en fait, sur plus de 40 000 arrestations, il y a un millier de femmes qui est arrêtée, ce qui fait, j'allais dire, relativement peu. Et probablement, d'ailleurs, ce faible nombre d'arrestations est lié à la représentation qu'on a de ces femmes, c'est-à-dire qu'on cherche des pétroleuses, on cherche des prostituées, et on ne peut pas imaginer que ce soit tout simplement des femmes du peuple qui aient participé à la Commune sans caractéristiques ou sans stéréotypes. Par ailleurs, un grand nombre sera relâché. Donc, est-ce qu'on peut, à partir de là, dire quelle est la participation des femmes à la Commune? Non. En revanche, ce qui est certain, c'est que elles participent à l'insurrection. Et surtout, leur présence est très remarquée par les anticommunards parce que c'est un déplacement des frontières entre masculin et féminin qui est tout à fait net. Donc les anticommunards remarquent qu'elles prennent la parole, qu'elles parfois se déguisent en hommes. Hein, c'est même pas mettre le pantalon pour combattre et prendre l'uniforme de garde nationale, c'est le déguisement en hommes. Qu'elles sont également sur les barricades, et de fait, il y a un certain nombre de femmes qui sont visibles, alors beaucoup moins que Louise Michel, hein, mais qui sont présentes et puis qui sont là également dans la lutte sociale, puisque quelqu'un comme Nathalie Lemel, qui anime l'Union des femmes, revendique très clairement la participation des femmes à la révolution sociale. Qui étaient alors ces pétroleuses, hein? Vous analysez dans l'article dont je parlais tout à l'heure la représentation associée à ce terme qui en fait ne recouvre pas véritablement une réalité. Qu'est-ce que c'est la pétroleuse et quand est-ce que cette image apparaît? Alors la pétroleuse, c'est celle qui va mettre le feu à Paris, puisqu'il y a des grands incendies qui sont donc allumés à Paris au moment de la semaine sanglante. Hein, et de fait, les grands bâtiments publics qui sont incendiés le sont volontairement du fait des communards qui donc font table rase du passé et puis aussi ils veulent dans la défaite donc incendie, par exemple l'hôtel de ville ou les Tuileries. Et donc pour les adversaires de la Commune, c'est tout à fait le marqueur de ce que peut être, ce que pouvait être la Commune, à savoir beaucoup plus qu'un bouleversement de l'ordre politique et social, mais tout simplement la destruction de la civilisation pour eux. Et très vite va, avec ces incendies et le choc que provoquent ces incendies, va se diffuser l'image de l'incendiaire. Le communard, c'est l'incendiaire, mais le glissement se fait en quelques semaines, hein, si je puis dire. L'incendiaire va devenir la pétroleuse. C'est-à-dire que le pétroleur, en fait, le terme de pétroleur va être de moins en moins employé. On va employer le terme de pétroleuse. Donc, finalement, la destruction de ce qu'on appelle la capitale des capitales, hein, à ce moment-là, ne peut être que le fait de la femme. Donc, c'est les femmes qui auraient mis le feu à Paris. Alors évidemment, c'est une légende, hein, un mythe, puisque rien, ça ne veut pas dire que les femmes n'aient pas participé aux incendies, mais en tout cas, rien ne prouve qu'elles aient... on ne trouve pas de preuves plutôt, et même lors des procès de ces pétroleuses, il est impossible de trouver des preuves de la circulation de ces femmes dans Paris pour mettre le feu. Mais donc c'est l'image qui va se perpétuer, à savoir ce sont les femmes qui ont mis le feu à Paris et avec du pétrole, donc pétrole qu'elles avaient dans leur bidon, bidon qui était normalement destiné au lait. Et on voit bien ici de quelle manière on a une perversion, puisque le bidon de lait c'est ce qui sert à nourrir, hein. Et là, on retrouve la femme nourricière, la femme maternelle, et ce bidon de lait, finalement, est utilisé pour mettre le feu et pour détruire. Image qui est présente dans l'iconographie de l'époque. Il y a aussi dans cet ouvrage, dans cette histoire de la violence féminine en Occident, de très belles reproductions et de très belles analyses de toutes ces représentations iconographiques des femmes violentes à travers les siècles. Dans cet article, vous citez aussi, Laure Godinot, un long texte de l'écrivain Maxime Ducamp, membre de l'Académie et auteur de cette histoire de la Commune qui lui est très hostile à la Commune, un texte qui s'intitule « Les convulsions de Paris », paru en 1878. Dans ce texte, Maxime Ducamp reconnaît que les pétroleuses relèvent du mythe, mais ça ne l'empêche pas de décrier très violemment la participation des femmes à la Commune. Et c'est intéressant parce qu'il fait lui-même le lien avec les tricoteuses de la Révolution dont on parlait tout à l'heure. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer ce texte. Il dit donc à propos des communardes: elles se déguisèrent en soldats, elles s'armèrent, elles firent le coup de feu et furent implacables. Elles se grisèrent au sang versé et eurent une ivresse furieuse qui fut horrible à voir. Elles manifestaient, entre guillemets, elles se réunissaient en bande et comme les tricoteuses leurs aïeules, elles voulaient aller à Versailles et chambarder la parlotte et pendre Foutriquet premier. Et plus loin, il ajoute, au dernier jour, ces viragots tinrent derrière les barricades plus longtemps que les hommes. Elles furent là où le crime fut sans merci. On en arrêta beaucoup, les mains noires de poudre, l'épaule meurtrie par le recul du fusil, émue encore par la surexcitation des batailles. Laure Godinot, on a là un beau condensé des stéréotypes associés à la figure de la femme combattante, non seulement du temps de la Commune, mais bien avant cela et hélas bien au-delà. Absolument. Alors on voit bien que là encore, elles ne peuvent pas agir puisqu'elles ne font que se déguiser et puis elles sont soumises à l'émotion, hein, et non pas à la volonté politique, puisque elles se grisent au sang versé, elles ont une ivresse furieuse. D'autre part, on voit bien qu'elles exagèrent les vices des hommes, puisque lorsqu'elles sont sur la barricade, donc elles tiennent plus longtemps, mais pour le crime finalement. Et c'est ce que dit Maxime Ducamp, hein, c'est-à-dire qu'elles n'ont qu'une seule ambition, dit-il, s'élever au-dessus de l'homme en exagérant ses vices. Là, on a vraiment absolument dans ce texte qui est tout à fait parlant, le condensé de tous les stéréotypes, non seulement vis-à-vis de la communarde, mais de façon plus générale vis-à-vis de la combattante en général. Martial Poisson, sur la persistance des clichés associés à l'usage de la violence féminine depuis le XVIIIe siècle et jusqu'à nos jours, on peut dire que ce livre, c'est aussi une histoire de la misogynie occidentale, en fait. À travers les analyses que vous faites, se dessine aussi la longue histoire de la misogynie en Occident. Oui, un des projets du livre, c'était effectivement de mettre en regard les revendications des femmes et la façon dont elles étaient systématiquement renversées, retournées et concouraient d'ailleurs la plupart du temps, et on l'a très bien vu là à travers les exemples qui ont été donnés, à une forme de remotivation des stéréotypes. La question de la pétroleuse fait écho à, sous la Révolution française, on parlait déjà des bouts de feu, hein, celles qui mettaient le feu aux poudres. La figure de la virago, hein, donc ouïr, celle qui justement fait l'homme, en fait, usurpe les prérogatives masculines, c'est quelque chose qui revient également, toute époque confondue, que ce soit chez les tricoteuses, que ce soit chez les pétroleuses, et à plus forte raison, plus proche de nous, chez les suffragettes, voire d'ailleurs dans les actuels mouvements féministes sur lesquels on voit qu'il y a un retour d'une sorte de contre-offensive antiféministe très très puissante et totalement désinhibée. Et tout ça, en fait, repose sur un seul et même stéréotype qui est très très puissant dans l'imaginaire collectif, puisque c'est celui qui, depuis la Grèce antique d'ailleurs, et à plus forte raison ensuite dans les textes de la Bible, associe la femme, dès lors que justement elle sort de ses prérogatives maternelles, à une forme de fléau, de calamité, de furie, de harpie, au double motif que, d'une part, elle contrevient à l'ordre social, et d'autre part, qu'elle pousse les hommes à la faute, en fait. Hein. Et donc, elle est à la fois la figure de la tentatrice, celle qui fait commettre le péché, et la figure de une figure irrépressible, en fait, qu'on ne peut pas contrôler. Chose qu'on retrouve dans le schéma du monde renversé. À chaque fois qu'une figure féminine prend un certain ascendant dans l'espace public, sous une forme, on va dire, non réformiste ou non consensuelle, elle est tout de suite créditée de concourir au renversement du monde, alors au renversement des genres, hein, bien sûr, masculin-féminin, mais également des classes sociales, des systèmes de domination. Ce qu'on retrouve notamment magnifiquement illustré dans un numéro du journal La Caricature de 1880, avec une quadruple page d'Alfred Robida, qui est un caricaturiste célèbre, qui s'appelle Le coup d'État féminin, où on voit justement donc des femmes en jupon, hein, évidemment, toujours ramenées à des stéréotypes de coquetterie, qui sont en train d'envahir une barricade, de détruire la ville. Donc il y a à la fois l'imaginaire de la barricadière qui fait retour, et puis en même temps donc cette idée que la femme entre dans l'espace public par intrusion violente, en fait, et que cette intrusion violente va entraîner un effondrement de l'ordre des choses. Et donc, c'est pas le moindre des paradoxes que de ce discours masculiniste, que de systématiquement laisser entendre que les rapports de domination sont l'inverse de ceux que justement ces femmes dénoncent par leur action. Et de ce point de vue-là, les suffragettes est un exemple absolument incroyable, puisque ces femmes ont eu l'audace de reprendre à leur compte les stéréotypes dont elle faisait l'objet. Quand dans la presse britannique des années 1910, on se met à s'indigner des bombes qui sont posées, sans faire de victimes humaines, hein, je précise, des actions d'éclat qui sont menées, d'une église qui a été brûlée, hein, là encore, toujours cet imaginaire du feu et de la terre brûlée, et qu'on les qualifie de terroristes, et c'est, à ma connaissance, la première fois que le mot terroriste est employé pour autre chose que la dénonciation d'une violence d'État. Le terrorisme sous la Révolution française, c'est le terrorisme de l'État et de ses représentants. Là, tout à coup, il est associé à des personnalités issues de la société civile et qui, justement, n'ont pas de fonction dominante, n'ont pas de fonction de pouvoir. Et ces suffragistes à l'époque, hein, qui tout à coup s'appellent suffragettes pour justement se démarquer du mouvement parlementariste constitutionnaliste, disent on nous traite de terroristes, oui, en fait c'est ce que nous sommes, et finalement l'efficacité de notre action se mesurera à la peur qu'on est capable d'entraîner à l'intérieur de la population. Et cette peur, elle est marquée par deux choses, à la fois l'audace de leur manifestation, le fait de pouvoir aller braver la police, d'aller au-devant de la répression de l'État, et en même temps de s'y exposer. D'ailleurs, le caractère extrémiste est un peu kamikaze, même si le terme est très mal choisi, de ces actions de femmes qui vont faire finalement les frais d'une violence qui est celle, pour le coup, du système et des institutions, et qui vont montrer à l'opinion publique, donc majoritairement extérieur à cette discussion, la façon dont leur revendication de droit entraîne une surréaction de la part de ce pouvoir masculiniste. Et ça, c'est le moyen, justement, de désactiver cette image de la femme qui va renverser l'ordre des choses, en rappelant quand même, y compris à l'intérieur de l'action, et de l'action militante, voire militarisée, armée, leur statut de victime. On écoutera tout à l'heure une émission dans laquelle Louise Weiss rendait hommage justement aux suffragettes anglaises, mais un hommage un peu ambigu, parce qu'elle dit aussi, elle évoque les filles d'Emmeline Pankhurst et dit qu'elles lui ont raconté certaines de leurs actions violentes, et qu'elle, Louise Weiss raconte qu'elle a pensé que cette violence serait mal acceptée en France. Le français n'aime pas les mégères, dit-elle, reprenant à son compte un stéréotype, pour le coup, associé à l'usage de la violence par les femmes. Vous concluez l'article que vous consacrez aux suffragettes anglaise dans ce livre, en vous demandant si la violence peut être un accélérateur de la conquête de droits politiques pour les femmes à travers l'histoire. Et on a quand même un peu envie de répondre oui à cette question. Rappelons qu'en Angleterre, le droit de vote pour les femmes a été attribué en 1918 et qu'il a fallu attendre l'année 1944 pour la France. Merci beaucoup Laure Godinot et Martial Poirson d'avoir été avec nous. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage passionnant, Combattante, une histoire de la violence féminine en Occident, paru au Seuil il y a quelques mois sur le sujet de la Commune. Je renvoie également nos auditeurs au très bel ouvrage intitulé La Commune de 1871, une relecture, que vous avez co-dirigé Laure Godinot avec Marc César et qui est paru aux éditions Créafis en 2019. Référence que l'on retrouvera sur le site internet de France Culture à la rubrique des nuits où toutes les émissions d'archives que l'on a pu entendre et que l'on va pouvoir entendre au cours de cette nuit sont disponibles à la réécoute et au téléchargement, de même que sur l'application Radio France. Place pour l'heure donc à la suite de notre programme de cette première nuit des féminismes consacrée à quelques grandes pionnière des combats féministes en France. Dans un instant, on écoutera une émission avec Djamila Debbèche, reçue par Tao Samrouche en 1962, puis les trois premiers volets d'une série des chemins de la connaissance consacrée à Flora Tristan et d'autres femmes emblématiques des combats féministes menés au XIXe siècle. Après quoi, on écoutera Louise Weiss au micro de Patrice Galbaud, c'était en 1981. Et enfin, pour terminer cette nuit, Simone de Beauvoir, venue parler du deuxième sexe sur les ondes de la radiodiffusion française, c'était en 1949.